semble perdre vie. Depuis que t'es parti, mon corps est fou d'impatience. Il sait pourtant que bientôt il pourra toucher ta peau, mais il se fout bien du bon sens. Si tu as de bonnes raisons d'être loin de notre maison, ça il ne l'entend pas, il veut que tu sois là. Dominica, si je te laisse trop t'éloigner, le temps nous fera payer de n'avoir pu vivre ensemble. Rien n'est jamais plus sombre que de vivre avec son nom. Nous ferons tout pour vivre ensemble, car il faut que tu comprennes que je n'ai pas l'intention de te perdre. Ça ce sera fini.